السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى a dit dans son noble livre: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Certes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il a dit Jalla wa'ala: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Il a également dit, Tabaraka wa ta'ala: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: Adorez Allah et écartez-vous du Tawhout. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a donc créé afin de l'unifier et de l'adorer seul sans associé. Ceci est la plus grande des obligations. C'est pour celle-ci qu'il fit descendre les livres et qu'il envoya les messagers. C'est la clé du bonheur, mais également de l'entrée au paradis. Et s'il en est ainsi, il est obligatoire à chaque musulman d'étudier la science liée au tawhid, à l'unicité d'Allah dans son adoration. Et ce, afin de pouvoir la mettre en pratique, d'adorer Allah avec clairvoyance et de s'écarter de ce qui la contredit. Dans ce cours, nous allons donc expliquer, bi'idhnillah ta'ala, une petite risala sur ce sujet très important, intitulée Risalatun fi tawhid al-ibada, donc qu'on pourrait traduire par épître sur l'unicité dans l'adoration, qui a été écrite par le shir Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Donc le shir, rahimahullah, a dit: Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah. أن التوحيد الذي فرض الله على عباده قبل فرض الصلاة والصوم هو توحيد عبادتك أنت. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que l'unicité qu'Allah a rendue obligatoire à ses serviteurs, avant même de rendre obligatoire la prière et le jeûne, n'est autre que l'unicité dans tes adorations que tu accomplis. L'auteur, rahimahullah, a donc commencé son livre en disant « Bismillahirrahmanirrahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En suivant dans cela l'exemple du livre d'Allah, Azza wa Jal, dont toutes les sourates commencent par cela, mis à part sourate At-Tawbah. Il a également suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui commençait les écrits qu'il envoyait par « Bismillahirrahmanirrahim ». De même, il a cherché par cela la bénédiction d'Allah Azza wa Jal en commençant par son nom, Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, il a dit, Rahimahullah, I'lam, sache. Il a donc utilisé ce verbe à l'impératif, Rahimahullah, et ce, afin d'attirer l'attention du lecteur et qu'il sache que ce qui va être mentionné est une chose très importante qu'il convient de lire attentivement. Puis il a dit, Rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Il a donc fait une invocation pour le lecteur, et ceci prouve la douceur et la miséricorde du Cheikh rahimahullah envers les gens. Et ceci est certes une des plus grandes caractéristiques de ceux qui appellent à Allah Azza wa Jal et se conforment aux enseignements de l'islam. Et ce, car la religion de l'islam est une religion de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui sont miséricordieux, Allah leur fera miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux sera miséricordieux envers vous. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani. Ensuite, il a dit, rahimahullah, at-tawhid, donc l'unicité qu'Allah a imposé à ses serviteurs jusqu'à la fin de sa parole, rahimahullah. Et l'unicité d'Allah, azza wa jal, c'est le fait de l'unifier dans ce qui lui est propre, dans sa seigneurie, dans sa divinisation et dans ses noms et attributs. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala peut donc être divisée en trois catégories. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans sa divinisation et l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Ces trois catégories sont présentes dans les textes du livre de la Sunna et après avoir analysé l'ensemble des textes religieux, les savants, rahimahumullah, ont déterminé que les textes liés à l'unicité revenaient toujours à ces trois catégories. Ils les ont donc expliqués dans leurs livres et ce, afin de faciliter leur étude et leur compréhension aux gens. La première catégorie est donc l'unicité dans la seigneurie, qui consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il est le seul à créer, à détenir la royauté totale et à gérer tout ce qui se passe dans l'univers. Comme il a dit Jalla wa ala, Allahu khaliqu kulli shay, c'est Allah qui a créé toute chose. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. Ensuite, la deuxième catégorie d'unicité est l'unicité dans la divinisation ou dans l'adoration. Et c'est le fait d'unifier Allah Azzawajal dans son adoration, de l'adorer seul, sans associé, et de n'adorer rien ni personne en dehors de lui ou avec lui. Comme il a dit Jalla wa ala, Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et ensuite, la troisième catégorie d'unicité est l'unicité dans les noms et attributs. Et c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs, en les attestant sans les renier, sans les altérer de leur sens et sans les faire ressembler à ceux des créatures, ni à chercher à savoir le comment. Il a dit Jalla wa ala, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ce nom et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Et il a dit tabaraka wa ta'ala, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, l'omniscient. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est donc de trois catégories. Et la risala que nous sommes en train d'étudier traite de l'unicité dans l'adoration. Et c'est la sorte d'unicité pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala envoya ses messagers et fit descendre ses livres. Comme il a dit Jalla wa ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: Adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Et c'est pour cette raison qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, créa les hommes et les djinns, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc l'auteur, rahimahullah, a dit, l'unicité qu'Allah a rendue obligatoire à ses serviteurs, avant même de rendre obligatoire la prière et le jeûne, n'est autre que l'unicité dans tes adorations. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a donc indiqué que le tawhid, l'unicité, a été légiféré avant même la prière, le jeûne et les autres adorations. En effet, l'unicité est la première et la plus importante des obligations. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença son prêche par l'appel au tawhid. Et toutes les premières années de son prêche étaient consacrées à l'appel au tawhid, avant même que les autres adorations ne soient légiférées. Il ordonna aux gens, sallallahu alayhi wa sallam, d'adorer Allah seul, sans associé, et de délaisser ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et de la même manière, lorsqu'il envoyait ses compagnons, radiallahu anhum, faire la da'wah, il leur ordonnait de commencer leur prêche par l'appel à l'unicité avant toute chose. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen pour prêcher, il lui a dit: Tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah. Puis s'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé cinq prières lors de la journée et la nuit. Puis s'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a imposé une aumône qui est prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres. Le hadith. L'appel à unifier Allah subhanahu wa ta'ala est donc la base du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce, car c'est la plus importante des obligations. Mais c'est également la base du prêche de chaque prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. الله تبارك وتعالى أجاب خبو نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit: Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Et il a dit Jalla wa Ala à propos de Hud alayhi salam: Wa ila adin akhahum Huda, qala ya qawmi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh, afala tattaqoon. Et au Ad, leur frère Hud, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui, ne craignez-vous donc pas. Et il a dit à propos de Salih alayhi salam: Wa ila Thamud akhahum Saliha, qala ya qawmi a'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. Et au Thamud, leur frère Salih, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Et il a également dit Jalla wa Ala à propos d'Ibrahim alayhi salam: Wa Ibrahim, idh qala li qawmihi a'budu Allah wa attaquh, ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Et Ibrahim, quand il dit à son peuple: Adorez Allah et craignez-le, cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration est donc la plus grande des adorations. Et c'est la base de l'appel de l'ensemble des prophètes alayhimus salatu wassalam, comme nous venons de le voir. Ainsi, après avoir pris connaissance de cela, il est évident que tout prêche qui n'est pas basé sur l'appel au tawahid est voué à l'échec. Et ce, car il est en contradiction avec le prêche des messagers, alayhimus salatu wassalam. Ceci est donc une base qui différencie entre les gens de la sunna, qui basent leur prêche sur l'appel à l'unicité d'Allah, et entre les gens de l'innovation, comme les frères musulmans par exemple, qui basent leur prêche sur la politique, et également toute autre secte qui ne base pas leur prêche sur l'appel au tawahid. Ensuite, concernant la parole de l'auteur, rahimahullah, l'unicité dans tes adorations, c'est-à-dire que toutes les adorations que tu accomplis doivent être accomplies sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Comme il a dit Jalla wa Ala: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Il est donc obligatoire d'accomplir les adorations sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et la définition de l'adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et comme acte apparent ou caché. Donc tout ce qu'Allah aime et agrée, comme la prière, le pèlerinage, l'invocation, le tawakkul, la lecture du Coran, etc., tout ceci doit être fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et ceci est une condition pour que l'œuvre soit acceptée auprès d'Allah. En effet, les conditions pour que les œuvres soient acceptées sont au nombre de deux. La première est qu'elles soient accomplies sincèrement pour Allah, Azza wa Jal, comme ceci vient d'être mentionné. Et la deuxième est qu'elles soient en conformité avec la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit une œuvre qui ne fait pas partie de notre voie, alors elle sera rejetée. Rapporté par Muslim. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, tu ne dois donc invoquer que Allah, seul, sans associé. Tu ne dois pas invoquer le prophète ni personne d'autre. Comme il a dit, ta'ala, wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Et il a dit, ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum. يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dis, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc après avoir mentionné qu'il est obligatoire d'unifier Allah Azza wa Jal dans les adorations, l'auteur, rahimahullah, a donné un exemple ici avec l'invocation. L'invocation, qui est une adoration, et qui doit donc être voué exclusivement à Allah. Et il a mentionné l'invocation, rahimahullah, car c'est la base de l'adoration, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation, c'est l'adoration, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani. Il a également mentionné l'invocation, rahimahullah, car c'est l'adoration que les polythéistes accomplissent le plus pour autre qu'Allah, et c'est la base de leur polythéisme. Il est donc très important de rappeler ce point. De même, il a pris l'exemple de l'invocation, rahimahullah, car en réalité, l'ensemble des adorations rentre dans l'invocation. En effet, l'invocation est de deux sortes. La première est l'invocation de la demande, qui consiste à ce que le serviteur invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir un bien ou pour repousser un mal. Quant à la deuxième sorte d'invocation, c'est l'invocation de l'adoration. Et elle consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir son agrément et son paradis. Donc en réalité, chaque adoration est une invocation, car celui qui accomplit une adoration souhaite par cela obtenir l'agrément d'Allah, son paradis et être préservé de son châtiment. Ainsi, si l'invocation est une adoration, alors elle doit être vouée exclusivement à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah, a dit, tu ne dois donc invoquer qu'Allah seul sans associé. Et il a mentionné le verset Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoque donc personne avec Allah. Ce verset est donc une preuve claire de l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah, peu importe que ce soit une pierre, un arbre, un ange, un prophète ou autre. Et ce, car ce verset est général et englobe tout ce qui est autre qu'Allah. Puis l'auteur, rahimahullah, a dit tu ne dois pas invoquer le prophète ni personne d'autre. Il a donc mentionné l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, car malheureusement, beaucoup de personnes sont tombées dans le polythéisme en invoquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, alors qu'il a passé toute sa vie à interdire cela sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est le plus grand des péchés. Mais le diable leur a embelli la chose de sorte à les faire tomber dans ce polythéisme et dans cet énorme mal, wallahu musta'an. Et c'est pour cette raison qu'il est obligatoire d'étudier la science du tawahid, et ce, afin de pouvoir l'appliquer et d'avoir les armes nécessaires pour lutter contre les ruses du diable. L'invocation est donc une adoration qui doit être vouée exclusivement à Allah, azza wa jal. Celui donc qui invoque autre qu'Allah aura commis du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam et rend la personne mécréante. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans aucune preuve aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a donc nommé mécréant ceux qui invoquent autre que lui, Wallahu musta'an. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, Wa'lam anna al-mushrikina alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sifatu ishrakihim annahum yad'una Allah wa yad'una ma'ahu al-asnam was-salihin mithla Isa wa ummihi wal-mala'ika ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم يقرون أن الله سبحانه هو النافع والضار والمدبر. Et sache que les polythéistes que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, leur polythéisme était qu'ils invoquaient Allah et invoquaient avec lui les statues, les vertueux, tels que Isa, sa mère et les anges, en disant « Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Et malgré ça, ils attestaient qu'Allah subhanahu est celui qui peut nuire, être bénéfique et celui qui gère toutes choses. Comme Allah a mentionné à leur sujet dans sa parole, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis, qui vous attribue de la subsistance, du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront, Allah. Dites alors, ne craignez-vous donc pas? Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a mentionné plusieurs points très importants. Et le premier de ceux-ci est que les polythéistes, vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, adoraient et invoquaient Allah azzawajal. Mais cela ne leur a pas été bénéfique. Et ce, car ils adoraient également autre que lui avec lui. Le fait de commettre du shirk a donc rendu vaines leurs œuvres. Et ce, car le polythéisme majeur rend vaine l'ensemble des œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Ceci prouve donc le grand danger du polythéisme. En effet, il est possible que la personne prie, jeûne et accomplisse des œuvres pieuses, et que malgré cela, ses œuvres ne soient pas acceptées et qu'elle fasse partie des gens du feu. Et ce, car elle adore autre qu'Allah avec Allah. Ceci démontre donc la grande importance d'étudier le tawhid et de l'appliquer. Ensuite, le deuxième point important qui a été mentionné dans ce passage est que les polythéistes vers qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam adoraient pour certains d'entre eux des statues, d'autres adoraient le soleil et la lune, d'autres adoraient les anges et d'autres adoraient les prophètes et les vertueux. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre eux et les a tous considérés comme des polythéistes. Ceci prouve donc qu'il n'y a pas de différence entre celui qui adore des statues et celui qui adore des prophètes ou des vertueux ou autres. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est donc adoré dans le faux, et tous ceux qui adorent autre qu'Allah sont des polythéistes, peu importe qui ils adorent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Ensuite, le troisième point que l'auteur a mentionné, rahimahullah, dans ce passage, est que les polythéistes vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé reconnaissaient qu'Allah est le seul créateur, celui qui détient toutes choses et administre toutes choses. Mais malgré cela, ceci ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et ce, car ils donnaient des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans leurs adorations. Ainsi, nous voyons que le fait de reconnaître l'unicité de la Seigneurie ne suffit pas pour rentrer dans l'islam. Mais il faut impérativement aussi adorer Allah seul, sans associé, comme indiqué dans le verset que le cheikh a mentionné, rahimahullah. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون. Dis, qui vous attribue de la subsistance du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Dit alors, ne craignez-vous donc pas? Ainsi, nous voyons très clairement l'erreur de ceux qui consacrent leur prêche à l'appel à l'unicité de la Seigneurie, qui est une chose reconnue de base par les polythéistes dans son ensemble. Et nous voyons également l'erreur de ceux qui expliquent l'attestation de la ilaha illallah par il n'y a de créateur qu'Allah ou il n'y a pas de Dieu qui existe à part Allah. Le sens réel de l'attestation est donc qu'il n'y a pas de vrai Dieu qui mérite d'être adoré, mis à part Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا وَعَرَفْتَ أَنَّ دَعْوَتَهُمَ الصَّالِحِينَ وَتَعَلُّقَهُمْ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ Donc si tu sais ça, et que tu sais qu'ils invoquaient les vertueux et s'accrochaient à eux en disant: nous ne voulons par cela que l'intercession, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus afin qu'ils invoquent Allah exclusivement et que la religion soit totalement pour Allah. Donc après avoir vu dans le passage précédent que les associateurs reconnaissaient le tawhid de seigneurie et que seul Allah est capable d'apporter le bien ou de repousser le mal, alors pour quelles raisons ont-ils adoré autre qu'Allah? La réponse est qu'ils ont fait cela pour rechercher l'intercession, comme ils disent. Certains d'entre eux pensaient qu'ils ne pouvaient se rapprocher d'Allah qu'en passant par des intermédiaires. D'autres disaient qu'ils les adoraient car ce sont des gens qui ont une grande place auprès d'Allah, alors qu'eux sont des pécheurs. Ils les invoquaient donc pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah, comme ils disaient. Voici donc l'ambiguïté des polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à chaque époque. Et c'est la même chose que disent les adorateurs de tombes à notre époque, qui prétendent invoquer les vertueux afin qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. Ceci est donc l'ambiguïté des polythéistes à chaque époque. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a réfuté dans son noble livre. Il a dit, Jalla wa ala, Walladhina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, inna Allaha yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun, inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Tandis que ceux qui prennent des alliés en dehors de lui disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a donc nommé ceux qui font cela menteurs et grands mécréants. Il a également dit, Jalla wa ala, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, a donc réfuté cette ambiguïté dans son noble livre. De plus, Allah, jalla wa ala, n'est pas comparable aux rois de ce bas monde qui ont besoin de ministres ou d'intermédiaires pour leur faire parvenir les besoins des gens. Et ce, car Allah, tabaraka wa ta'ala, a la science de toutes choses. Il est capable de toutes choses et c'est lui le plus miséricordieux. De plus, l'intercession tout entière lui appartient, comme il a dit Jalla wa ala, Qul lillahi shafa'atu jami'a. Dit, c'est à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. Ainsi, il apparaît très clairement que tous ceux qui adorent autre qu'Allah sont des polythéistes, et ce, même s'ils ne cherchent par cela qu'à obtenir l'intercession comme ils prétendent. Ensuite, l'auteur a dit, Rahimahullah, وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي أفرد من الصلاة والصوم ويغفر الله لمن أتى به يوم القيامة ولا يغفر لمن جهله ولو كان عابدا وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله الذي لا يغفر الله لمن فعله وهو عند الله أعظم من الزنا وقتل النفس مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله. Il a dit, rahimahullah, et que tu sais que ceci est le tawhid, qui est plus obligatoire encore que la prière et le jeûne, et qu'Allah pardonnera à celui qui vient avec au jour de la résurrection, et qu'il ne pardonne pas à celui qui l'ignore, et ce, même si c'est un grand adorateur. Et que tu sais également que ceci est du polythéisme, et qu'Allah ne pardonne pas à celui qui le commet. Et que c'est pour Allah plus grave encore que la fornication et le meurtre. Et ce, malgré que celui qui le commet cherche par cela à se rapprocher d'Allah. Fin de sa parole. Le fait d'unifier Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son adoration, et de l'adorer seul, sans associé, est donc la plus grande des obligations. C'est la raison pour laquelle Allah créa les djinns et les hommes, et pour laquelle il envoyait les messagers comme mentionné précédemment. Et le fait de donner des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son adoration, est le plus grand des péchés. Comme il a dit, Jalla wa ala, Inna shirka la zulmun azim. Le shirk est vraiment une énorme injustice. Le shirk est donc le plus grand des péchés et des injustices. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne pardonne pas à celui qui n'applique pas le tawahid ou qui commet du polythéisme. Et ce, même s'il accomplit beaucoup d'adorations pour Allah. Comme il a dit, Jalla wa ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Celui qui sait cela se doit donc de faire tous ses efforts pour étudier le tawahid afin de l'appliquer, mais également d'étudier le shirk et ses différentes sortes afin de s'en écarter. Ceci est une priorité pour les doués de raison qui espèrent la récompense d'Allah et craignent son châtiment. Wa billahi at-tawfiq. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, ثم مع هذا عرفت أمرا آخر، وهو أن أكثر الناس ما عرف هذا، منهم العلماء الذين يسمونهم العلماء في سدير والوشم وغيرهم. إذا قالوا نحن موحدون الله، نعرف ما ينفع ولا يضر إلا الله، وأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، وعرفت أنهم لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الكفار، توحيد الربوبية، عرفت كبر نعمة الله عليك، خصوصا إذا تحققت أن الذي يواجه الله ولا يعرف التوحيد أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في النار، ولو كان من أعبد الناس، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Il a dit, rahimahullah: puis avec cela, si tu sais une autre chose, qui est que la majorité des gens ne connaissent pas cela, et parmi eux, des savants qu'ils nomment savants, à Soudeir, à Louach et autres, lorsqu'ils disent nous sommes monothéistes, nous savons que seul Allah peut nous être utile ou nuire, et que les vertueux ne peuvent ni nuire ni être utiles, et que tu sais qu'ils ne connaissent que le tawahid qui était connu par les mécréants, le tawahid de la seigneurie, tu seras alors l'énorme bienfait d'Allah sur toi. Et surtout, si tu as la certitude que celui qui rencontre Allah sans connaître le tawahid, ou qui le connaît mais ne l'applique pas, sera éternellement en enfer. Et ce, même si c'est le plus adorateur des gens, comme il a dit Ta'ala, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Et Allah est plus savant, et que la prière d'Allah ainsi que ses salutations soient sur Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a rappelé l'immense bienfait qui est de connaître et d'appliquer le tawahid. Et ce, car de très nombreuses personnes ne le connaissent pas, et même certains que des gens affiliés à la science. Connaître l'unicité et l'appliquer est donc un des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur. Un bienfait pour lequel le serviteur doit faire tous ses efforts pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, car c'est la clé pour entrer au paradis et être sauvé de l'enfer. En effet, ceux qui n'appliquent pas le tawhid ou qui commettent du polythéisme seront éternellement en enfer, comme cela est explicite dans le verset que le shir a mentionné, Rahimahullah, et le refuge est auprès d'Allah. Ainsi se termine l'explication résumée de cette risala bénéfique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse profiter. Hada, wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد